tableau à la belle ville de Paris, avec une aigre tristesse pour mon Julie. Tous mes amis sont venus au port pour m'accompagner, chacun portait dans ses mains tous mes affaires. Sur l'eau dansait le navire et tombe un mouchoir blanc pour lui sourire. Enfin je suis à Paris, je marche près de la Seine et sur les pentes du Louvre mon cœur pleureux. Déjà au bureau, vis-à-vis la secrétaire, et quand j'entendis sonnette, on m'appelait. Ensuite je vois devant moi le capitaine du musée. Il était très très gentil, monsieur Faré. M'embête en disant que j'ai sauté la fenêtre. Ça c'est pas vrai mes amis, c'était la porte.